Bonjour Aurore, ravi de te retrouver. Bonjour Kevin. Bonjour, bonjour. C'est reparti pour un nouveau podcast cinéma. On est en fin d'année. Voilà, c'est les fêtes qui arrivent, qui approchent à grands pas. Donc forcément, nous ne pouvions pas ne pas parler d'un film de fin d'année. Et là, Bien on a sûr. trouvé, je pense, le film qui va bien. Enfin, j'espère en tout cas. Oui. Avec donc Wonka, que j'ai adoré. Moi aussi, Bon, j'ai bah tant vraiment. mieux. C'était une surprise. Je suis allée voir avec une amie qui est notamment fan de Johnny Depp avec Charlie et la chocolaterie. Et toutes les deux, on avait un peu peur là-dessus de se dire, ce sera jamais aussi bon que Johnny Depp. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Rien à Ça voir. change totalement. Et du coup, ça ferait vraiment un air très frais à cet univers qu'on connaît plutôt bien et personnellement a bercé mon enfance. Je sais pas toi, mais moi, Oui, je bah, il est suis. sorti Charlie et la chocolaterie. Alors, il y a eu une version qui date des années 70. Hein, et la version de Tim Burton, c'est de quelle année? Oula. 2000 et peut-être il y a, bon, y a bien 20, je dirais 20 ans, mais ça fait peut-être beaucoup. Mais dans ces eaux-là. 2005. Ah, 2005. Bon, bah tu vois, j'étais pas loin. On est en 2023. Ouais, ça T'as va, fait pas 18 trop ans. Ça va, je suis pas trop mauvais. Donc, oui, en effet, ça n'a rien à voir. Donc, là, on est clairement sur une préquelle où, justement, on découvre bah, comment Willy Wonka enfin, a fait sa chocolaterie. D'abord, son parcours, Bien bien sûr. évidemment, son passé, sa rencontre avec bah, des personnages haut en couleur. Hein, il faut le dire, on reviendra d'ailleurs sur les personnages, qu'il y en a beaucoup, beaucoup dans le film. Oui. Et bah, moi, j'y ai vu du Paddington. Bah, le réalisateur, c'est le réalisateur des deux Paddington, un réalisateur anglais, Paul King. Et en effet, bah, moi, j'ai retrouvé son univers, sa patte. Et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que le film a sa propre identité. Il ne cherche jamais à reprendre, en effet, ce qui a été fait auparavant, Non, notamment avec le film de Tim Burton. effectivement, effectivement, ouais. C'est pour ça que ça donne vraiment un souffle nouveau sur l'histoire. Qu'on a l'impression de très bien connaître, et en fait, on se rend compte qu'on la connaît pas tant que ça, notamment sur Willy Wonka, parce que dans Charlie la chocolaterie, on axe vraiment l'histoire sur Charlie et sa vie pauvre, j'ai envie de dire, enfin démunie plutôt. Alors que là, on découvre un Willy Wonka qui, justement, pareil, veut réaliser son rêve et réalise en fait son rêve. Et je trouve que enfin, voilà, tout l'univers, même l'univers musical passe extrêmement bien, c'est très enjolivé, etc. Il y a un très très beau casting. Vraiment, on retrouve des grands acteurs, hein, Hugh Grant, voilà, on le savait, mais là, il est pratiquement méconnaissable. Enfin, moi j'ai l'habitude de le voir, mais j'avoue que ça peut perturber. Tu te dis, punaise, je le connais, mais Il a qui changé de c'est? couleur. Il a changé de couleur, ouais. Il est tout petit. Il est tout petit. Mais en effet, oui, le casting est incroyable. Bon, bah, Timothée Chalamet, clairement, il joue hyper bien. Oui. Il a la gueule de l'emploi, on peut dire, hein, clairement. Clairement, Le personnage lui colle à la peau. L'aspect comédie musicale, alors, je ne m'attendais pas à en avoir autant, personnellement. ouais. Mais pour le coup, ça ne m'a pas dérangé. Alors moi, je suis plutôt friand, au Ouais. contraire, des comédies musicales. Et là, je trouve que c'est bien amené. On sent que les acteurs ont pris plaisir. Enfin, en tout cas, Oui, ça transparaît effectivement, ouais. à l'écran. Et puis à chaque fois, on a des moments qui sont vraiment festifs, colorés. Les costumes, notamment, voilà, sont incroyables. Les décors aussi. Même si ça se passe finalement dans une même ville, voilà, il se passe toujours quelque chose et le rythme est quand même très soutenu parce que le film dure un Oui. peu moins de 2 heures, ce qui est pas mal déjà, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Non, clairement pas. Non, non, non, clairement pas. Oui, puis on a quand même quelques références, hein. Enfin, bon, bah, forcément l'univers du chocolat, tout ça. Mais ouais, moi, je sais que j'ai énormément aimé. Enfin, je me répète un petit peu, mais. Ah, mais c'est le film parfait en effet pour cette fin d'année. Donc en effet, dans les personnages secondaires, il y en a un certain nombre. Donc tu parlais notamment de Hugh Grant, mais on retrouve aussi Keegan Michael Key qui joue le chef de la police. Aussi qui est connu. Hein, on a également le trio des méchants chocolatiers, on peut dire ça, avec Patterson Joseph, Matt Lucas et Matthew Benton, qui jouent aussi très bien leur rôle, je trouve. Hein, Oui. ils sont ça, ils m'ont fait penser tous les trois aux Three Stooges. Il y a eu un film, les Trois Corneaux, c'est un film américain qui est sorti, oui, il y a un petit moment, mais ils m'ont fait un peu penser à eux. C'est-à-dire, on est sur trois lurons qui se tirent la bourre, mais en même temps qui sont ensemble pour contrer un ennemi commun. Et ça marche très bien. On a également Sally Hawkins, oui, voilà, qui a un petit rôle également. On prend plaisir à retrouver Rowan Atkinson. Alors moi, c'était marrant parce que dans la salle, les plus jeunes enfants disent « Oh, c'est Mr. Bean !» Oui, mais tout le monde, moi, pareil. Ouais, pareil. On a tous réagi de la même façon. Oui. Donc, ça montre quand même, pourtant, que tu vois, même des jeunes, oui, enfants connaissent cet acteur et bien Mr. Sûr. Bean, qui est quand même pas récent. Oui, non. Donc, moi, je trouve ça génial. Et puis, oui, après, bah, y a tous les personnages secondaires, bah, justement, qui sont avec Willy Wonka, avec Jim Carter, Natasha Rothwell, Rich Fulcher, Raki Takar, notamment. Oui. On a aussi, et quand Olivia même, Colman. Pas, voilà, merci. Bien sûr, oh, ouais, non, Olivia Colman, qui, dans un rôle un peu à contre-emploi, enfin, elle a déjà joué un peu des rôles comme ça, mais là, vraiment, elle est méchante, elle a une sale gueule, oui, enfin, vraiment, oui, oui. Mais c'est, moi, c'est un truc que j'adore. Moi, je sais que j'adore Olivia Colman. Et puis, en ce moment, on la voit pas mal dans des seconds rôles. Et elle joue dans tout type de rôle. C'est vrai. On la voit vraiment dans tout. Bah, récemment, dans... C'était dans lequel Secret Invasion, si je me trompe pas, de Marvel. Ah oui, dans c'est la série. Vrai, exact. Elle, oui, apparaît, oui, là-dedans. Oui, oui, oui, oui. Donc oui, elle joue, enfin, je trouve que c'est une actrice incroyable. C'est à chaque fois ses rôles, même si c'est des seconds rôles, ils portent l'histoire et elle joue toujours super bien avec avec son petit grain britannique qui va bien. Enfin, franchement, oui, c'est ça, moi, je sais qu'il aime tu beaucoup. Tu parles de britannique justement et tu sens que le film, voilà, il est plus anglais qu'américain. Bien sûr. Ouais, ouais. Ne serait-ce que déjà dans l'histoire, c'est très bien construit, tout est bien pensé, tout, oui, est bien fignolé. Voilà, le réalisateur a le souci du détail et c'est ça qui est plaisant. Je pense que si le film avait été réalisé par un Américain avec des acteurs principalement américains, ce qui n'est pas le cas là, je pense que ça n'aurait pas été pareil. Bah ouais, effectivement, ça aurait peut-être été plus plus blockbuster, alors que là, ça ne se veut pas, absolument pas blockbuster. Au contraire, ça se veut très classe britannique, très bah, très royale en fait, très ouais, très dans la classe, bah, pas dans la modestie, mais un petit peu quand même. Oui, oui. Enfin, oui. Voilà. Avec, mais même les costumes, tu disais très, très colorés, mais les costumes sont. Voilà, ils ont les hautes formes, les costumes, les. C'est, non, c'est, franchement, ouais, effectivement. Oui, parce on que le sent, film, finalement, on sait, fin, je ne sais pas trop à quelle époque il se déroule. On n'a pas trop de temporalité dans le film. Alors, je sais bah, que. Bon, c'est l'âge industriel. Ouais, voilà, oui, à les peu près, oui. 100. Oui, dans ces eaux-là. Alors, après, bah, pour rappel, bah, le film est adapté bien évidemment du bouquin de Roald Dahl, oui. Et c'est vrai que ça donne envie d'avoir des suites, même si bon, ça serait peut-être dommage d'en faire parce, oui, que bon, je pense que le film se suffit à lui-même. Clairement. Mais au vu de l'univers, je pense qu'il y a vraiment encore plus à creuser et on peut largement, je pense, avoir un nouveau Charlie et la chocolaterie. Avec peut-être Timothée Chalamet. Alors après, le risque, en effet, ouais, c'est de pâtir du succès et du film très connu de Tim Burton, mais bon, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Après, là-dessus, ouais, je sais pas. Faire une suite, franchement, ouais, je trouve que le film finit extrêmement bien, donne un très bon point final. Oui, c'est vrai. Et puis, oui, l'univers de Roald Dahl, on le connaît extrêmement bien. C'est un des plus grands écrivains de livres de jeunesse, je pense. Oh oui, oui, oui. Il y a plein d'histoires. Oula, voilà. Oui, il y a de quoi en raconter ouais, encore, mais, je pense, ouais, adapté à l'écran. Hein. Bien sûr, ouais, bien sûr. Après, on peut faire un film sur les Oompa Loompa, hein, par ouais, exemple. Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas, ça, parce que ça, ouais, ça pour peut le être coup, intéressant. Ces personnages, je pense, sont très intéressants. Ouais. Et il me faut un peu penser à Gulliver. Oui, oui. Notamment, et c'est vrai, quand le film arrive à sa fin, bah... enfin, moi personnellement, j'avais envie d'encore en voir plus. Oui, mais ouais, c'est le signe d'un bon film. Oui, bien sûr. Ah oui, oui. Bah notamment. Voilà, c'est le chocolat, c'est ça. C'est que plus t'en manges, plus tu le savoures, plus t'en veux encore, bien évidemment. C'est mais à ça. Un moment donné, il faut savoir s'arrêter. bien évidemment. Donc en effet, le film, voilà, on le savoure un peu comme un bonbon. Et clairement, c'est parfait pour la fin d'année. Je pense que ça plaira à tout le monde, qu'on soit petit ou grand enfant, voilà, peu importe. Et on passe vraiment un excellent moment. Voilà, moi j'appréhendais quand même hein, le film. Et puis finalement, non, je suis pas déçu. Donc bon, il sort en plus à une bonne période de l'année. Oui. Je ne doute pas qu'il va avoir un petit succès. Enfin, du moins, je l'espère. Oui, oui, oui. Oui, et puis on parlait tout à l'heure de la performance de Timothée Chalamet. Je sais que moi aussi, ouais, j'avais un petit peu peur par rapport à ça. Parce que il a la tête de l'acteur jovial, hein, ça je dis pas le contraire, mais au contraire de comme on a tellement l'image de Johnny Depp très excentrique, très très trop presque, enfin voilà, toujours dans l'excès, et j'avais plus l'impression j'avais peur de voir un Timothée Chalamet plus sur la réserve. Alors qu'en fait, bah, justement, ces scènes de danse qu'on voit pratiquement dès le début du film, même si c'est la scène d'ouverture, permet de se rendre compte, de dire « Ah non, en fait, c'est bon, il n'est pas dans la réserve, on va pas juste le voir qui se retient, non, c'est bon. » Il se lâche dès le début et là, tu souffles, tu fais « Ok, c'est bon, on peut y aller. » il colle parfaitement, en effet, à l'univers. Nous ne pouvons, Aurore et moi, que vous encourager à aller voir Willy Wonka en cette fin d'année, ou pourquoi pas pour démarrer l'année 2024 aussi, hein, parce que je pense qu'il sera encore à l'affiche en janvier, hein, je ne m'inquiète pas. Mais en tout cas, c'est une très belle surprise. Alors Aurore, comme voilà, à ton habitude, tu as déniché, tu as allé fouiller dans des faits surprenants, étonnants autour d'un film. Alors, tu as parlé de quoi Eh bien, je vais vous parler de The Eternals et Game of Thrones. Bon, là-dessus, alors, ça va. Normalement, ça va, normalement, on connaît à peu va. Près. Alors, Eternals, il est un peu sorti comme ça et on n'en parle plus du tout maintenant. C'est ça. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Parce qu'en plus, le film n'était pas si mauvais que ça. Enfin, moi, personnellement, je pense si à Harry Styles à la fin. Je pense. Non, je ne veux pas être méchante, mais je pense que c'est peut-être une des raisons. C'est possible. Non, mais bah, après, bon, je pense que tout le monde voit à peu près le point commun. C'est le point commun avec notamment deux acteurs. Kit Harington et John Madden, si je ne me trompe pas. Oui, qui joue le prince dans Game of Thrones, oui. C'est ça. Et en fait, vous souvenez, dans The Eternals, en fait, ils se rencontrent, la première fois qu'ils se rencontrent dans le film, les deux, ils se rejoignent, et ils sont habillés en noir. Et en fait, c'est pas laissé au hasard. Parce que bon, les studios n'aiment pas laisser les choses au hasard. Enfin, dans le cinéma, on ne laisse rien au hasard, c'est vraiment la règle d'or. Et donc, là, ils sont habillés en noir, et c'est normal. C'est parce qu'en fait, dans Game of Thrones, en fait, il y a une scène entre les deux personnages où ils se rencontrent et ils se disent « La prochaine fois qu'on se rencontrera, on sera habillé en noir. » Sauf que sur tout le long de la série, à aucun moment, ils ne vont se re-rencontrer, en fait. Et donc, du coup, ils n'ont jamais pu avoir cette scène de « On se revoit, on se retrouve et on est habillé en noir. » Et donc, du coup, Marvel a décidé de faire ce clin d'œil-là. Et donc, quand les deux personnages se retrouvent, ils s'habillent en noir. D'accord, ah bah dis donc, tu vois, moi j'avais pas du tout fait le lien pour le coup, donc ok, très bien. C'est marrant ces petits clins d'œil en tout cas à chaque fois. Effectivement, entre deux univers qu'on penserait alors totalement, qu'on n'a absolument aucun rapport, mais voilà. Ok, bah écoute, merci Aurore pour cette information. Alors à chaque fois, dans chaque podcast, on aime bien se projeter. Alors là, pour le coup, on se projette à l'année prochaine. Dit comme ça, ça paraît très loin, mais non, c'est dans à peine quelques semaines, voire même quelques jours. Ça le voit arriver. Je t'ai pas vu depuis l'année prochaine. Pardon. Et donc voilà, on a regardé un petit peu avec Aurore, bah, quel film allait rythmer, on va dire, le début d'année 2024. Alors, on s'est arrêté sur quelques films. Bon, il a fallu faire un choix. Alors moi, un film qui m'interpelle et qui sort donc, qui sortira le 10 janvier 2024, c'est Un silence de Joachim Lafosse avec Emmanuel De Vos et Daniel Auteuil. Donc pour la petite histoire, silencieuse depuis 25 ans, Astrid, la femme d'un célèbre avocat voit son équilibre familial s'effondrer lorsque ses enfants se mettent en quête de justice. Alors là, on est sur du pur drame. Joachim Lafosse, c'est un réalisateur qui justement est connu pour ses drames avec notamment donc Les Intranquilles qui était sorti en septembre 2021 avec Leïla Bekti et Damien Bonnard. Il avait également fait L'économie du couple avec Bérénice Bejo, où il faisait un peu une exploration du couple et de sa cassure, en fait. Et il avait aussi fait À perdre la raison avec Tahar Rahim. Moi, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ses drames. Ils sont toujours très bien faits, très bien construits. Les personnages, pareil, sont toujours très bien écrits. Alors là, en plus, Daniel Auteuil et Maël Devos, voilà, oui. C'est pas rien. Et en plus, le film a été tourné dans le Grand Est, puisqu'il a été tourné à Metz. Donc voilà, d'autant plus, je trouve que c'est bien de mettre en avant ce film donc, qui sortira le 10 janvier 2024. Et toi Aurore, alors quel film te donne envie alors, au mois de janvier? Le mien n'a pas été tourné dans le Grand Est, hein, désolé. ça va être Pauvre créature qui sort donc le 17 janvier. Très très beau casting, enfin, moi personnellement c'est donc Emma Stone hein, qui est... pour moi, une très, très grande actrice. Il y a Mark Ruffalo aussi et Willem Dafoe, qu'on adore. C'est vraiment l'acteur qu'on adore. Donc voilà, donc là, c'est un film anglo-saxon, donc Irlande, Royaume-Uni, États-Unis. Ah oui, ok, c'est, d'accord. C'est pas seulement américain. Oui. C'est une comédie-drame fantastique. Une comédie-drame. Oh là, voilà. ça va mélanger les genres. C'est ça. Du coup, c'est Bella, une jeune femme ramenée à la vie par le brillant et peu orthodoxe Dr. Godwin Baxter. Sous sa protection, elle a soif d'apprendre, avide de découvrir le monde dont elle ignore tout. Elle s'enfuit avec Duncan Wedderburn, un avocat habile et débauché, et embarque pour une odyssée étourdissante à travers les continents. Imperméable et aux préjugés de son époque, Bella est résolue à ne rien céder sur les principes d'égalité et de libération. Donc ça sent un bon film féministe, mais après avec Emma Stone on aime toujours, hein. C'est oui. Toujours très sympathique, oui. Et je pense que ça va être, enfin, ça à voir. Voilà. En tout cas, ça suscite l'intérêt. C'est ça. Et l'affiche aussi. Ouais. Emma Stone est un peu surprenante d'ailleurs. Enfin, sur l'affiche. Oui, en effet. Oui, l'affiche est particulière. C'est ça, très ouais. Très particulière. Donc ça peut être assez intéressant. Voilà. Et puis alors, Yorgos Lanthimos, donc c'est un réalisateur grec, et pour avoir vu en effet certains de ses films, bon, c'est assez clivant. Ouais. Mais on aime ou on n'aime pas. Il avait notamment son dernier film qui était aussi avec Emma Stone, c'est La Favorite. D'accord. Et il y avait Olivia Colman, d'ailleurs, aussi. Oui. Rachel Weisz, la femme de Daniel Craig, pour ceux qui ne savent pas. Et il a fait également Mise à mort du cerf sacré et The Lobster. C'est comme ça que j'ai découvert, moi. The Lobster avec Rachel Weisz également. C'est un style. Enfin, il a son truc, le réalisateur. Donc, en effet, je pense que Pauvre créature, ça peut être intéressant. Enfin, en tout cas, ça éveille l'intérêt. Donc, c'est quand le 17. La date de sortie 17 janvier. Ok, bon bah. Un Joachim Lafosse avec Un silence le 10. Et hop, la semaine suivante, Pauvre créature de Yorgos Lanthimos. Bon bah voilà, comme ça, il y a déjà deux films en peu de temps. Donc, c'est très bien. Bah voilà, aujourd'hui, on a voulu mettre en avant la fin d'année en parlant de Wonka, voilà, qui est à tous les deux notre petit coup de cœur de cette fin d'année. Alors après, l'année n'est pas terminée, mais je pense qu'à mon avis, il est en pole position pour rester le coup de cœur du mois de décembre. En tout cas, on vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. On se retrouve l'année prochaine, bien sûr. Oui, bien sûr. Le cinéma ne va pas s'arrêter en 2023. Non, il n'y a pas intérêt. Non, j'espère pas non plus. Il n'y a pas intérêt. On verra bien ce que l'année 2024 nous réserve. J'avoue que, voilà, il y a pas mal de choses. On ne parle pas de Barbie Oppenheimer pour l'instant. Non, c'est vrai. C'est oui. Surprenant. Il n'y a pas de... Oui, ouais. Pour l'instant, je ne sais pas dans les sorties très, très, très, très attendues. J'avoue que je ne sais pas trop. Pour l'instant, en effet, on va voir ce que l'année 2024 nous réservera côté cinéma. Merci encore, Aurore. Merci à toi, Kevin.